Les gens souriaient dans le bar, observant un homme dans le coin, assis en face d'un gars bizarre qu'il avait créé de ses mains. Au-dessus d'une veste sale, tenant sur un manche de plastique, une tête en baudruche pâle semblait lui donner la réplique. Les traces d'un gros feutre vert dessinaient des yeux longs et fins, des lèvres d'un rouge aguicheur semblaient demander des câlins. La femme portait un bonnet qui n'était sûrement pas le sien. L'homme avait dû le lui prêter pour tenir sa perruque en lin. Avant de venir boire un verre, ils avaient dû se promener, lui la portant, elle légère, puisqu'elle ne pouvait pas marcher. Il lui soufflait d'un œil rêveur qu'un beau jour ils se marieraient, qu'ils deviendraient agriculteurs, qu'elle garderait les champs de blé. Empilant les verres de vodka, je me dis que ce type est taré, mais qu'il est bien moins seul que moi. Et moi qui suis là à guetter, empilant les verres de vodka, je me dis que ce type est taré, mais qu'il est bien moins seul que moi.